scène. Chacun ses armes, les portes sont bloquées sévères. Y'a pas d'ouvre-toi sésame, pas de César. Reconnu qu'une fois mort comme Césaire. On trouve des airs, on pose des heures, des leurs divers. Une grosse table de verre, c'est mon petit verre, c'est nécessaire. On est venu marquer les dés, frère, les vrais vous les reconnaissez. Ceux qui font de la merde nous font tous, j'ai pas laissé les faire. À part si t'aimes pas, c'est le palais. J'rappe sale, mais j'peux aussi rapper dans le palais. J'préfère parler de maille plutôt que de mal parler. J'aime quand ça tourne rond, mais propose aussi des plans carrés. Aucun plan de carrière comme un con. J'suis comme plein d'autres cons comme un don, mais qu'aime pas se laisser commander. J'fuck déjà les commentaires qu'on m'interne pour la parole d'un fou, elle restera entière. J'étais bien plus que l'enfant de Blédard. Allez donc savoir pourquoi j'ai commencé le rap au diable. Ceux qui disent que le rappeur passait les 30 ans trépasse. À m'éloigner de la rive, j'ai fait ma thérapie sans psy. Sur la défensive, nous tout droit des lieux des labres sensibles. J'ai frappé dans le vide, j'ai soigné ma ligne de conduite et peux enfin dissocier le game du rap et son kit. Et les matins se profilent, j'rappe pour moi et pas pour exister derrière chacun de vos clics. M'en tape des normes, j'l'ai inscrit dans mon putain de calepin. M'ont dit si le rap est mort, alors dites-moi vraiment à qui le chagrin profite. Dire que ce rap n'est jamais trompeur serait mentir. J'suis dans le cycle, fait parler le compteur, mais j'en siffle témoin des allers-retours de longues heures. De taf à squatter les squares, les sages bouffraient de la pierre encore et encore. Et donnerai pendant des années de bon cœur. Moi c'est un lion qui est coincé dans ma gorge. Pour esquiver les mots je les sors. Y'a rien de magique, c'est toujours aussi dur d'éviter les mauvais sorts. On s'essuie sur le pays, on rentre en grande pompe. Des fois c'est difficile de suivre parce qu'on vieillit et sans s'en rendre compte. Les séquelles de la oui, se paye le moral sombre. Parce qu'on est élève de la vie mais pas tous maîtres de nos actions. Le relève où je tombe, avec une belle seconde dans la tête. Les mains vertes qui sont faites pour le honte. Et elles sont dans la merde. Faudrait que je règle mon ego sur pulsion. Je veux rien te lancer à la figure. Non, moi je jette mon dévolu sur le son. Y'a que les montagnes qu'on peut déplacer. Il faut faire de la place. Depuis long time, j'aurais dû m'effacer. Même si qu'on raye de la carte. En fait, le phrasé guérit nos plaies. J'aimerais me racheter une conduite. Si je passais le permis au plaies, j'ai rien à foutre.